que je me dis encore, dans la première gage, je viens de médiateur. Plus jamais. Avec ce que j'ai dormi la nuit passée, j'ai les sensations qui transpirent. Ta tête empagaillée, ton rire à demi-mot, le bien que je te pense à fleur de peau. De peau. Et le si peu de temps, et ce si peu de temps, et le si peu de temps que m'a vu mon lit, m'amène facile aux sources qui m'éloignent facile des sources qui m'absentent facile des sources qui abordent les sentiments. Ta tête empagaillée, ton rire à demi-mot, le bien que je te pense à fleur de peau, de peau. Ta tête empagaillée, le bien que je te pense, ton rire à demi-mot, le bien que je te pense à fleur de peau. Effleure mon cœur, à fleur de cœur, effleure ma peau. Ta tête empagaillouillée, ton rire à demi-demi-mot, le bien que je te pense à fleur de peau. De peau. Avec ce nom que tu m'as dit, avec ce nom que tu m'as dit, avec ce nom que tu m'as dit, instantané. J'ai le cœur trop petit, j'ai le cœur trop petit, j'ai le cœur trop petit à étouffer.